Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur les 105.9 de Radio Hellebore. L'oncle Ben n'est pas seul ce soir, puisque nous sommes quatre autour de la table. Bonsoir Albert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir NutyB. Bonsoir à tous. Et bonsoir One Finger Scratch Man, monsieur Erco D+. Hey, bonsoir à toutes. Donc ce soir, petite émission à 4, un petit peu chacun, on va dire, à sa sauce. Et on va quand même vous parler ce soir pas mal de Urban Jam. Ben tout à fait, on est l'antichambre mais dans une période un petit peu spéciale puisque va bientôt démarrer ce festival annuel. Donc on va beaucoup en parler sur les ondes pendant les prochaines émissions. On va aussi beaucoup présenter les artistes qu'on va accueillir sur Chambéry. Ouais, vous allez en bouffer du Urban Jam, mais vous serez obligé de venir. Voilà, le but, c'est surtout pas de saouler les gens, au contraire, c'est de vous donner envie de venir voir ces artistes. Donc la priorité, c'est d'aller faire un tour sur le site de l'Antichambre, radio-antichambre.com, puisqu'il y a tout le détail détaillé, la description des articles, des liens, des vidéos, et on est sûr que vous aimerez. Donc une grosse soirée concert et surtout pas mal de DJ sets. Cette année, on met le paquet sur la culture DJ, on va dire. Voilà, sur des apéros mix. Et des apéros mix également. Mais voilà. Ça, le paquet sur les apéros, on a l'habitude, c'est bon. Ouais, non mais on commence à se faire vieux, donc à 22h, comme ça, on sera couché. Plus après, il y aura aussi une bourse au disque. Une bourse au disque, ce sera le samedi 21. Le samedi 21, ouais. En plein centre de Chambéry. Exactement. Au disque vinyle, bien entendu. Ah, disque vinyle, ah, bah oui, on parle pas de CD, là. Donc ça aussi, il va y avoir des diggers sur Chambé et les platines seront branchées en extérieur. Ça va être un bon petit moment. Ouais. Et on remercie Rémi du collectif Artefact qui nous accueille pour cet après-midi. Exactement. Et bah très bien, on va commencer avec ta sélection. Ça va être très court chacun à peu près. Hein. Oui, voilà, ouais, 4-5 morceaux. Donc moi j'ai choisi une petite sélection un peu de titres afro-beat, enfin afro-funk plutôt, en particulier puisque... À l'occasion du Urban Jam, donc le samedi 28 mai, on accueille le DJ producteur Renegades of Jazz au Brin de Zinc pour la soirée Elle Borderline, donc en partenariat avec Elle Bord. Et Renegades of Jazz, donc il va sortir là après l'été un album qui s'appelle Moyo Wangu, en fait, qui va être très afro-funk puisqu'il a grandi en Tanzanie. Donc je sais d'avance que ce qu'il va nous mixer pour cette soirée-là, ce sera dans une ambiance assez afro. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de même. Et justement le morceau avec lequel je vais attaquer s'appelle Afro Cookie et c'est extrait de ce nouvel album de Renegades of Jazz. Eh bien très bien, je te propose de rejoindre les platines, on va s'écouter ça. Et puis après on enchaînera une petite sélection de Erco D+. Erdeco Plus. Erdeco Plus, pardon, excuse-moi. Erco D+, ça fait un peu Chacademus and Players. Ou ça fait aussi R2D2. Oui exactement, et je suis pas très Star Wars. Voilà. Donc, voilà. Allez, vous restez sur les 105.9 de Radio Hellebore dans l'antichambre. Come on. va maintenant vous laisser en compagnie de RDECO+, qui va nous envoyer une petite sélection du côté du monde des Daptones. We'll be right back. dirty money, oh. Dirty money, not the fruit. Dirty, not dirty money, oh. Dirty money, not the fruit. Oh yeah. Go drowning in the river. He calling brother, save me now. Your brother showed up in the copter. He tossed him coin with not the fruit. Dirty, not dirty money, oh. No water. Dirty money, not the fruit. No water. Dirty, not dirty money, oh. Money not the fruit. No water. The mango hanging from our window. He call him Uncle Benny now. Uncle toss him rope of money. Ah, the money break, the mango fall. Oh. Ow. Dirty, not dirty money, oh. No water. Dirty money not go hold up. No water. I say, oh, cette petite sélection afro-funk de notre ami RKD+. Yes, RDK+. Il n'y arrivera pas. Non, c'est pas grave, je vais l'écrire. Oui, parce que je baisse pas le bon... j'ai pas baissé la bonne piste. Ça arrive. Donc, ben voilà, c'était une première sélection un peu... ouais, afro-funk. Ouais, c'était une sélection spéciale d'Apton Records. Le label de New York avec Sharon Jones. Et là, c'était Boudos Band, Dap Kings et Antibalas. Ok, très voilà. Bien. Moi, je reviens pas sur mes morceaux. C'était des morceaux afro. Il y avait du Kokolo Afrobeat Orchestra. Il y avait du Okotsu Sounds. Il y avait du Cléon. Et puis, bien sûr, Renegades of Jazz. Donc, on va pas trop vous bassiner avec le programme du festival, même si on a envie d'en parler. Mais on peut simplement rappeler que ça se passe du 18 au 28 mai à Chambéry et puis à Drumettaz, parce qu'on a une date là-bas. Peut-être vous rappeler simplement les quatre gros événements de ce festival. Une soirée concert qui aura lieu à la Soute, c'est le samedi 21 mai, où il y a quand même une belle affiche. On a une chanteuse kényane. Ouais. Enfin, danoise d'origine kényane, qui s'appelle Tina Mwini, qui est en train de vraiment monter et qui vient donc pour un show qui va mêler hip-hop et afro. Elle sera sur scène avec un DJ et des danseurs, donc vraiment... Ça va être super intéressant, et venez groover avec elle, parce que ça va être super. Carrément, et ce n'est que la première partie, puisque derrière, on aura un duo MC, beatmaker, DJ, donc composé du beatmaker Fig Up Brazlevich et du MC anglais Technical Development IS. Donc là, c'est deux gars qui font bien parler d'eux sur les scènes européennes, donc ça va envoyer. Donc c'est le 21 mai pour 10€ seulement à la Soute. Et puis on a trois dates aussi importantes, trois DJ sets. Alors je reviens un petit peu en arrière, ce sera le vendredi 20 mai, le premier. Au Brocart, au Carré Curial à Chambéry, avec une DJ qui nous vient de Milan. Ouais, qui s'appelle Calamity Jade, que pour tous ceux qui s'intéressent à la funk, forcément, enfin à la funk moderne et contemporaine, on va dire, on vu passer son nom par là, parce qu'elle gère la com pour beaucoup de labels, et je pense que c'est une grosse collectionneuse de vinyles. Elle va nous préparer un bon petit set. Ah, je pense que ça va envoyer, ouais, donc voilà. Il faudra tous être au Brocart, en plus il fera beau, on sera dehors. C'est pour ça que voilà, il fera beau, on sera dehors, on sera dès 18h, parce qu'il y a un apéro mix au Brocart, assuré par les... DJ de l'antichambre, et après on laisse la place à Calamity Jade, et après je pense que ça se finira en clash, freestyle quoi. Non, ça va être une bonne soirée. Et puis le week-end d'après, donc le 27, le 28 mai, deux dates, le vendredi 27, là ce sera une soirée bien hip-hop, bien fumante, ce sera DJ Duke, connu pour être le DJ officiel d'Assassin depuis le début des années 2000, donc qui sera au Fut Chouette à Drumettaz. Il va y avoir plein de quarantenaires. Il va y avoir pas mal de quarantenaires, ouais, mais je pense que vraiment ça s'annonce belle soirée. Je pense. Là, ça va mixer pour de vrai, ça va pas rigoler. Et un warm-up avec la scène locale. Exactement. Voilà, donc parce que comme ça, on n'invite pas des gens de Milan, Paris, Bénin, Ghana. On invite aussi des gens qui font le hip-hop autour de Chambéry. Voilà, donc on n'en dit pas plus, ce sera la surprise, surprise. Il y aura quelques rappeurs locaux qui vont chauffer le Fut Chouette dès 20h30, donc le 27 mai. Et puis on l'a dit tout à l'heure. Au Fut Chouette, il y aura Hibou. Ah, peut-être, j'espère qu'il est là, parce que c'est forcément son repère. Et puis donc voilà, le 28 mai, la soirée Elle Borderline, donc grosse soirée de clôture avec Elle Bor, et au platine, Renegades of Jazz. C'est au Brunswick, à Barbera, c'est seulement 5€, c'est donné pour la qualité du DJ qui sera là. Donc voilà, ensuite, on, pour la première fois cette année, on diffuse un film au cinéma Malraux, le Dave Chappelle's Block Party, donc un film un peu documentaire tourné par Michel Gondry, donc sur les coulisses de l'organisation d'un concert aux États-Unis, au cours duquel participent plein de gros noms du hip-hop américain. Et puis voilà, des apéro mix avec les DJ de l'antichambre, une back party, une bourse au disque. Donc le plus simple, c'est d'aller sur notre site radio-antichambre.com. Il y a toutes les infos. Voilà. Et si vous n'avez pas internet, des flyers et des affiches seront bientôt dispo dans tous les bons endroits de Chambéry. Ouvrez les yeux, tendez les bras et vous ne pourrez pas passer. Et ouvrez surtout vos oreilles. Voilà. Donc on va maintenant laisser place à la musique. On a commencé funk, maintenant on va s'orienter vers une transition funk et hip-hop, puisqu'on est une petite école du sample que nous a concocté l'ami Nutty B. Et bah c'est parti, restez branchés sur les 105.9 de Radio Elle Bor, vous êtes toujours dans l'antichambre. Cool it, your mama's going on a date, can you dig that? Dig that. Dig this. Du sample à l'original et de l'original au sample. C'est trop l'idéal. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Hold up the phonograph. Landed knots, broke the forehead, Mr. Cuff, rubbed the yak, known to warm the chest up. Like your Starbucks, write my name on the post-it, leave it in your neighbor's cubicle. Let him know there's a beautiful discrepancy in the future of rap. I heard the art form die, didn't believe it till I seen the obituary delivered by Larry and the Lack, and it read, hold up, man, let me see. 2 years ago, and A&R of mine asked me to dumb down the culture, and if not, I'll pay a fine. That's when I stepped in, looking like Todd James in Rick Rubin's dorm room. The ghetto blast, the ladies loved it when my radio consumes the whole room full. I'm Russell on dust, the profile 12, but K-Rob and Ram LZ. I'm like Fabulous C, go Federico like Freddy. When you're sleeping, the literate niggas, they out counting sheep while the pee on creep. Smash your laptop, put your hard drive on eBay, subjected to them niggas criticizing. I'm like Kenny Bloggins hogging up the game. Put your 40 in your pocket, man, the game's on me. We raise hell, get paid in full. Do damage, leave a critical beat down. We raise hell, get paid in full. Do damage, leave a critical beat down. We raise hell, get paid in full. Do damage, leave a critical beat down. I go off, I go off. Yeah, I go off, I go off. It's a 10-year anniversary, still passing on the porch. And these old-ass rappers still can't pass the torch. And the past distorts the still, make them pick the relevant. P-shit banging the trunk like mad elephants. Who keeps digging up funk for kids for the hell of it? And castrate the break, make the track celibate. Your whole style's fucked, this shit sucks. I don't care about your jazz loops or your ringtone bucks. Both sides of hip-hop, I got some splaining to do. A lot of fans got bored and left, and I don't even blame you. Everybody take themselves so fucking serious. From goofies to crack rap, hey dude, I'm just curious. If you really sold them drugs, why the hell you telling me on your CD? Gee, that's a good question. DEA investigate, audio confession. Hello McFly, hope they throw away the key, man. Fuck drug dealers, I got addicts in my family. Whoop, sorry man, I got trouble on my mind. Just me and Double K staying on the grind. On the grind, like when we wanna. We raise hell, get paid in full. Do damage, leave a critical beat down. We raise hell, get paid in full. Do damage, leave a critical beat down. Plutôt sympa cette école du sample, Notibi. Yes, ouais, putain, le morceau original là, donc ouais, un super morceau, une espèce de disco des îles. C'est un morceau qui s'appelle donc Equal Love Opportunity et qui est chanté par un chanteur qui s'appelle Lee Edwards. Alors parfois il est crédité Clear featuring Lee Edwards, parfois c'est que Lee Edwards tout seul. À savoir que là, le morceau qu'on a passé, c'est une légère réédite de Al Kent, qui est sorti sur les compiles Disco Love, la Disco Love volume 4, parce que le morceau original, ben gratte-toi pour le choper quoi. Et voilà. Et il sera peut-être à la bourse aux disques du 21 mai de l'antichambre. Qui sait Jam. Mais peut-être. Hein, qui sait ouais. Tu ne le promets pas. Et donc ceux qui ont samplé cette petite perle là, ce petit bijou, c'est les People Under the Stairs avec un super morceau qui s'appelle Critical Conditions, qui est sorti sur Fun DMC, leur je ne sais plus combien de dième d'album, mais en 2008, et qui est mortel, voilà. Ah bah c'est très bien, on sait que t'affectionnes particulièrement ce groupe. Hein. Ils ont une technique de production qui est moi qui me laisse assez sur le cul. Ouais. Et même dans les samples qu'ils choisissent, c'est, ouais, ils vont loin quoi. Ils vont loin dans le digging et dans la prod, et c'est vraiment ça que je kiffe. Ouais. Et comme je le disais la semaine dernière, donc il y a la seconde partie de leur projet en 3 EP donc qui est sorti ouais. La semaine dernière. Mm-hmm. Deuxième EP en téléchargement gratos, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon qui cadeau. Est pas mal en plus. Très bien, donc bah, il nous reste allez, une petite demi-heure. J'espère que je vous ai fait vous presser pour passer vos morceaux. Finalement, c'est moi qui me retrouve avec la plus grande partie musicale. C'est vrai. Mais je peux toujours partager, les gars, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que tu nous proposes? On va retourner au début des années 90 en France, un peu de rap français. On va commencer avec un morceau de Monsieur Sinclair. Donc Monsieur Sinclair... Le fameux Sinclair. Le fameux Sinclair. Ah ouais. Le musicien funky, on va ouais, dire. Ouais, le fils de Dominique Blanc-Francard. Tout à fait. Ok. Et jury de La Nouvelle Star. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai pas la télé. Non. Et donc, il avait sorti un morceau qui s'appelait News Look Intro, avec les Sages Po, avec Ménélique et je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres, mais bon, c'était un peu les groupes phares du hip-hop français de l'époque. Toute la clique était un peu autour de Solar, le 501 Posse, oui. Je pense que c'est même mixé par Tsar. Donc. Sûrement, il y a, vu qu'ils faisaient tous partie de la même bande, voilà. En fait, avec Solar, Pigal Boom Bass, voilà, Boom Bass et tout ça, ouais, c'était la même clique. Voilà, puis après, on enchaînera avec deux petits morceaux qui sont un petit peu plus méconnus. Un morceau de DJ Stoffcree, le DJ de Fab, sur le premier album de Fab, ouais. Ça fait deuxième partie. Aussi. Deuxième aussi. Ouais, sur le fond et la forme aussi. D'accord, il a produit pas mal de trucs. Stoffcree, mortel. Ouais. Un morceau instrumental tiré d'un maxi avec un groupe. Ils étaient déjà un peu novateurs, ça faisait me penser un peu ce que faisaient les Brand New Avies, le groupe anglais, ouais. Avec des rappeurs. Donc c'était les gens de Sléo et de Fab, donc le complot des bas-fonds sur leur label à la base Records qui avait sorti ça, ouais. Avec un groupe funk idéo soul. Donc je sais pas du tout, on sait pas du tout quel musicien, j'ai pas regardé sur la pochette du disque si c'est des gens connus. Et puis ça, et puis si je me rappelle bien, il y a aussi je me rappelle pas, mais vous l'écouterez. Voilà, donc je vais enchaîner, donc restez branchés sur les 105.9 de Radio et les bords, et puis on parlera peut-être encore un peu de Urban Jam avant de nous quitter. Allez, on écoute ça. La philosophie de tout le poésie est d'éviter à tout prix les ennuis. Sur une mer de tempo baignée par le soleil, poussée par le groove, on s'interpelle. Hey, hey. Et dis-moi, Sinclair, pourquoi le monde est mauvais? Pourquoi la violence a des traits si parfaits? Tranquillement, je soupèse les mots pour éviter toute controverse à l'égard de philo. Comme ça, je posais, je représente le jazz. Trompettiste Davis Miles, le beat est funky, boom bass a compris comment t'éveiller les sentiments de l'endormi. Vois-tu mon reflet dans l'eau paisible? Placés sont les frères sur la version tranquille. We'll be right back. Irius, delirious, Kaya drum bassline, offering a rhyme to the one, Babylon, watch out! Rasta got strong clout, like David, like Solomon, my delirium is my gun. Bum bum, my imperium, my Uzi weighs a ton, my delirium is my gun. Hear this, Dread Sirius. Dread Sirius. Ma vue à jamais portée disparue. Reste en dehors de ma vie et respecte mon statut. Comme prévu, le statu quo sera maintenu. Compte tenu de l'ensemble des résultats obtenus. Après l'enchaînement gauche-droite et l'hypercut de sick. Sans transition, place à la musique. Me dresse en droit comme le I, je fais le point. Check mon point de vue et non pas ma poignée de main. Ma vie est en danger, la police me recherche. Tu ferais mieux de te méfier, c'est à noir qu'ils cherchent. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri des bavures policières. Ils ont tué mon frère, je m'en souviens comme si c'était hier. Un simple contrôle d'identité, ils lui ont dit. Ils l'ont embarqué soi-disant pour une nuit. Le lendemain aux infos, ils annonçaient sa mort. Sa photo à l'écran montrait un visage battu à tort. Abattu à mort. Abattu à mort. Abattu à mort. 93, je ne suis pas plus balèze. Je n'ai pas les chevilles qui enflent mon souffle. Je le réserve à ceux qui me les gonflent. Entendre les beaux parleurs jaser, ça me saoule. À leur attitude, il semblerait qu'ils ont tous attrapé les boules. Mais je me fais pas de bile car j'ai la balle dans mon corps. Si mon rap jazz saoule, c'est que je suis contre le book. Le profil type du mélomane au top stop le tempo. Pour mieux repartir au top chrono. Armé jusqu'au temps, je crible de paroles. Les nouvelles recrues, c'est qu'ils sortent tout juste de l'école. Si tirer la langue est considéré comme de la promo. J'en fais la promo en shootant tous les politicos. Un peu de tenue, monsieur, dans la parole. Est à la succession, plus loin l'une des plus radicales de la profession. Soon vous condamne à mort, pour avoir abattu à tort. Abattu à mort, abattu à mort, abattu à mort, abattu à mort, à tort. La colère est en pleine expansion. Dans l'atmosphère règne une certaine tension. 1, 2, 3, 4, 100, on est beaucoup trop. J'enclenche au compte à rebours 4, 3, 2, 1, 0. Les cibles pointées sur la mission. Ennemi, MC Soon, fuck da police academy. Des boules, des boules. Je dégomme, nommé le strike. Maître de ses actes. Je suis actuellement âgé de 19 ans. Ces événements sont les causes profondes de mes troubles de sommeil. J'en ai des insomnies mais je ne prends pas de somnifères. Cela ne changerait littéralement rien à mon problème, ouais. Donc je réfléchis puisque la nuit porte conseil. Dès demain je saurai que plus rien ne sera pareil. Dès demain, des deux points. Non, plus rien ne sera pareil. Still to give of their real worth, while above storm clouds they gather. Electric storm energy be worn. I got short in its prime and in the after time. Storm now stronger, lasting longer. Thunder sound laying down. Lightning pound, light up the earth in the dark of the birth. Lightning dark, dark and light it bite. I don't let go, it's a death show scene. Little black storm cloud talking loud and proud. About to lift shroud, where was heading? Skin was shedding. Storm rain, mean pain, words dripping and slipping into open wound. Tree grow, then prune. Past 64 and a trip to the mother. Meet me now, sister and brother. Still the need to be free, we'd rather be blind than start to unwind. Yells like a time ain't mine. Above sea storm clouds, they gather. Much of Jamaica, much of bad. Much of Jamaica, much of bad. Breeze and wind and winter gale, gale to the hurricane. He came attained fame to make a plain claim. It's all just a power game. From Grant, I could not see what I come to be. A sky of cloud, cloud or sky, but still they try to get on high. By and by, you see, we're never meant to fly. Storm at sea, it's come to be. So it came to wash the brain. Tidal wave must drown to save. Pave away, make a plate, a new day. Rain lash hard down in every yard. Lord says he ain't down, just around the corner, a gun. Who on the run? Necessary means of behind the scene. Second time in France, couldn't take a chance. CIA too keen, if you know what I mean. Complex problem, complicated. Storm that fate, it's a blow through time. Sixes to nines, sun still shine. I don't lose sight, a day or night. You see the storm clouds, they gather. Much of Jamaica, much of bad. Much of Jamaica, much of bad. So feed myself when Gilbert come. Gilbert come off, get up and run. So feed myself when Gilbert come. Gilbert come off, get up and run. Voilà, je sais pas si vous connaissiez ce groupe Galliano, c'est dans les années 90 sur le label Talking Loud Record, le label fondé par Jill Peterson, et je ne sais plus le nom de son acolyte. Bien sûr que nous connaissons Galliano, Jill Peterson ouais. Et Talking Loud. D'ailleurs, Elle Bork, pour les 30 ans, avait fait venir le chanteur de Galliano, Earl Zinger. Voilà, pour une soirée mémorable au casino d'Aix-les-Bains. Avec Jill Peterson. Avec Jill Peterson, justement, ouais. Et puis, on a écouté avant des gens comme Sunny MC, le lieutenant de MC Solar. On a écouté, donc, je vous ai dit, Ideo Soul, un groupe avec DJ Stoff Scree. Je vous ai passé aussi un groupe de Lausanne qui s'appelait Silent Majority, qui était sorti sur Unique Records, le label fondé par Sens Unique. C'est un groupe assez particulier, du rap, un peu spoken words, et avec la musique un petit peu jazzy, parce qu'ils ont un pianiste basé aussi à Lausanne. Donc, c'est sorti dans les années 90, c'est très très bon. Je pense que ces morceaux t'ont rappelé des bons souvenirs d'une émission qui s'appelait Explicit Lyrics. Avec mon copain Christophe. Ça, c'était sur les ondes d'Elébor, c'était au début des années 90. Tout à fait, là tu me mets un coup de vieux, c'est sympa. On termine tranquillement l'émission ? Oui. Est-ce que tu nous reparles, sans dire de refaire la programmation complète, mais juste dire, on va dire les premières dates importantes. Voilà, on vous rappelle simplement, Urban Jam du 18 au 28 mai à Chambéry. C'est les deux week-ends en fait, le 20-21 et le 27-28, c'est là où on retrouve les grosses dates. Mais en semaine, il y a aussi des belles petites surprises, il y a des apéromix avec des petites ambiances 18-22h assurées par les DJ de l'antichambre, donc groove, funk, hip-hop. Avec une ouverture le 18 mai au bar La Palette, le nouveau bar qui est vers la gare. Oui. Il est magnifique ce bar. Ouais, un bon petit bar. Je suis allé voir mixer LBR et Naughty B, j'étais pas allé et c'est magnifique. L'endroit est superbe. Bonne ambiance et franchement, on fait tous les lieux sympas et cool de Chambéry. Exactement. Quoi. Le 20 mai, au Brocart, on fait un apéro mix avant Calamity Jed. Le 24 mai au petit bar du marché et le 26 mai à l'Arbre à Bière. Voilà, donc tous des lieux, des hauts lieux de la vie chambérienne. De Chambéry. On va se faire un plaisir de les ambiancer bien comme il faut. Exactement. Très bien. Donc on se dit à la semaine prochaine pour le début donc des émissions spéciales. On commencera donc avec une émission avec un mix de Calamity Jade. Oui, Calamity Jade nous a concocté un mix funk 45 tours exprès pour l'occasion. Et la deuxième partie, c'est et on, donc voilà, on écoutera son petit mix et puis on écoutera des morceaux de Tina Mweni et de Fig Braslevich et Tech. D'accord, c'est parfait. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas qui sera là dans les studios. On ne sait pas non plus, mais ce sera le jeudi à 21h sur le 105.9. Moi, RDECO, surprise. Moi, RDECO Plus, je lance une invitation. Hein. Ça fait deux fois qu'il fait l'émission et. One finger scratch. Yeah. Naughty B sera là. Yes. Non, un peu plus éteint, mais il sera là. Donc, on vous dit à la semaine prochaine sur les 105.9 de Radio Elébor, dans une prochaine émission de l'Antichambre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.